Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On finit kalam al-muallif rahimahullah fima yata'allak bi tahniyat a'da'illah al-kuffar par rapport à leur fête, et le fait de leur souhaiter une bonne fête. Bien sûr, leurs fêtes qui sont liées à leur kuffar, al-khassa bihim. قال رحمه الله وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمه في ريفيرونس في هذه المسائل اهل الذمه سي الكفار كي اون ان باكت افيك لو غوفرنور مسلم كي فيو افيك المسلمين اي يا بوكو د احكام كي سون لي ا هؤلاء اي دون سو كتاب ان لا سيتي بلوزيور الشيخ حمود رحمه الله عليه. Le fait de leur passer le salam, est-ce qu'ils peuvent avoir une kunya, est-ce qu'ils peuvent s'habiller comme muslimine, est-ce qu'ils peuvent pratiquer leur dîn, est-ce qu'ils peuvent fêter leur fête, est-ce que nous on doit leur souhaiter une bonne fête. Tous ces ahkam, l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, il les a cités via hadh al-kitab al-nafi', c'est une référence. Kadhalik, parmi les références, on avait cité iqtida, surat al-mustaqim de Sheikh al-Islam le Taymiyyah rahmatullah alayhi. Wa hakada, ce livre de Sheikh Hamoud, c'est une référence simple, résumée, tayyiba. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلام من مكروه ونحو ذلك. هذه المسألة تقدمت معنا هنا له كلام شيخ بن باز رحمه الله. قال وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة الصحيح. قال ولا فرق بينهما. Comme c'est permis de rendre visite à un kafir, كذلك c'est permis de lui faire ta'ziya, كذلك c'est permis à tahniya bi zawja aw walad, s'il se marie, s'il a un enfant. Vous avez remarqué, tout ça, c'est pas lié à une fête qui est fondée sur le kufr, comme les exemples qu'on a cités hier, Noël ou Pâques ou autre, les fêtes des chrétiens ou des juifs. Là, on a, c'est une chose qui est khassa bihi, parce qu'il y a une maslaha shar'iyya, s'il y a une maslaha, il y a un bien pour al-muslimin, ou il y a un bien pour ce kafir, l'appeler au din ila akhiri kama taqaddam ma'ana ams, fahada, c'est permis. Et kadhalik, kalam Cheikh ibn Uthaymeen, on le lira après hadha al-kalam rahmatullah alayhi, un kalam jamil. Qal wa la farq baynahuma walakin li yahdhar al-wuqu' fi ma yaqa' fihi al-juhal min al-alfad allati tadul ala ridah bi din. C'est ça al-dhabit. Tu as le droit de parler avec un kafir. Bien sûr, tu dois avoir un bon comportement. On n'a pas le droit d'être injuste. Tu as le droit de lui souhaiter, maintenant il est sorti de l'hôpital et tu le vois et tu lui dis comment ça va, il a arrêté, oh il a eu un enfant, oh il a perdu un enfant, oh il a fait un accident, tu lui rends visite, tout ça c'est permis. Lakin, on a un dhabit, on doit faire attention, comme a dit l'imam al-Qayyim, lakin liyahdhar al-wuqu' fi ma yaqa' fihi al-juhal. Certains ignorants, qu'est-ce qu'ils font? قال من الألفاظ التي تدل على رضاه بالدين. Des choses, il emploie des mots, il a un comportement avec ce kafir كأنه il est d'accord avec son din. Comment on vit à notre époque? بعض دعاة الضلال والانحراف, ils montrent أنه il faut être tolérant envers leur din, il faut être respectueux envers leur din. Et tu trouves بعض المسلمين الآن ils font plus aucune différence. Al-Yahoudi ou Al-Nasrani, c'est comme un mu'min inda. Bel ba'dhum yusarrihun, ils disent c'est des croyants comme nous on est des croyants. Anta tu es un mouhid, Allah subhanahu wa ta'ala akramak bil islam. Allah t'a élevé avec le Qur'an wa sunnah, ma ha'oula anjas, arjas. La yu'minun bil nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bil Qur'an, ils font du shirk. Ils disent qu'Allah il a un enfant. Ils ne veulent pas croire que le prophète Mohammed soit le dernier des prophètes. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, venez mal à dire c'est comme nous. Na'oudu billah. إما سيفون دي سور لينيورونس إما عيادا بالله الإنسان يميل إلى هؤلاء الكفار. قال كما يقول أحدهم متعك الله بدينك أو يقول له أعزك الله أو أكرمك. نعوذ بالله. On vient de voir ensemble dans le درس précédent sur l'explication des noms d'Allah سبحانه وتعالى أن العزة لله سبحانه وتعالى جميعا. Et min asbab al-izza, c'est at-ta'a, c'est l'obéissance, c'est tawhid, c'est suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, le fait de dire a'azzak Allah hadha al-kafir, c'est très très grave. Yu'izzuhu bimada, mujrim. Il ne veut pas croire, il ne veut pas se soumettre Yushrik billah, il veut pas croire au Coran, au prophète Mohammed, et tu trouves wahid, il peut lui dire, il s'autorise à lui dire, Azzakallah. Là, si tu veux son khair, dis-lui, Hadakallah. Fais du'a pour lui, c'est permis. Montre-lui l'islam. Anna a'azzakallah, ou akramakallah. Ça, ça montre. Et ce kafir, il va le ressentir comme ça. Qu'annahu il est à l'al-huda. Hadil al-fad, tu l'as dit à tes frères, les mu'minines, les muslimines. Pas aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, min al-yahoud wa al-nasara wa ghayrihim. Illa an yaqul akramakallah bil-islam. Ça, c'est autre chose. Il lui dit akramakallah bil-islam. C'est comme si tu lui dis hadakallah l'islam. Non. Amma tu te tais et qu'annahu on est satisfait de leur din, hada, c'est grave. Et c'est ce qu'ils font certains. Vous avez remarqué qu'ils disent tolérance, respect, ces mots qui sont vagues. Ces mots qui sont vagues. Tolérant, qu'annahu son din, il est haq, donc on l'accepte. Le respect, qu'annahu il est sur la vérité, enfin on le respecte. Là, bardoum, quand ils entendent mitla de kalam, ils pensent, ou ils croient que. Qu'Allah on appelle à être injuste là. On n'est pas injuste, on est droit. Lakin respecter le kufr, tolérer le kufr, l'accepter, fana'oudou billah. Là, on ne l'accepte pas. Ben, on veut leur bien, on leur montre. On leur montre que c'est grave s'ils meurent. Had al-hal, c'est très très grave. Et on leur montre les contradictions de leur dîne, leur égarement, pour les appeler à la lumière, à l'islam. Mais tu les laisses. Tu es. Même ceux qui veulent leur bien, tu es utile en aucun cas pour eux, had al-hal. C'est comme si Wahad il voit quelqu'un marcher en direction d'une crevasse, d'un trou, et il lui dit rien. Il lui dit là, c'est bien, continue. Warupama, ça y est, squat, il va se faire beaucoup de mal. Là, tu le montres. Si tu veux vraiment son khayr. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Lakin, on vient à une époque, anna du'at al-dalal, au nom du respect, de la tolérance, du bon comportement, fil haqiqa, ils sont d'aucune utilité au kuffar, et ils font beaucoup de mal à leur din. Iyadan billah. Qala rahimahullah. وأعزك بها بالإسلام ونحو ذلك فهذا في التهنية بالأقوال المشتركة هذا الكلام c'est التهنية dans une chose qui fait pas partie de leur din donc c'est permis tant il y a une maslaha tant que ça contredit pas notre din bien sûr le fait de lui dire comment tu vas ça va le visiter à l'hôpital comment ils vont tes enfants tant que le musulman ne se rabaisse pas et c'est pas une chose qui va conforter le kafir dans son din c'est permis Et taqaddam ma'ana, là on fait tout, fi hadha al-hal, ce contact, si on a un contact avec un kafir, pour ad-da'wa. Un simple contact et ça devient un ami, hadha sayati ma'ana, que c'est très très grave. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala, on peut rajouter son kalam huna, fi al-ijabat ala as'ilat al-jaliyat, un kitab nafis, hadha. Ils ont rassemblé les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans les questions que al-jaliyat, c'est les muslimines qui vivent fi bilal al-kufr. En Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils ont beaucoup de questions khas sabihim. Des questions qu'un musulman, en bilad musulman, il ne se posera pas. Et ils ont rassemblé ces questions, ces moufid, khas atan pour un musulman qui vit fi bilad al-kufr. Enfin, ils lui ont posé la question, hukm al-ta'ziya, fi al-kafir idamat, sawa kana ahluhum muslimin ou kuffara. Faqala Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, amma in kanu muslimin. Et ça c'est important, il y en a ba'd al-kuffar, peut-être que c'est un kafir, lakin celui qui est mort, son fils c'est un muslim. Fa fi hadha al-hal, qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, amma in kan muslimin, fala bas bi ta'ziyatihim, ou al-aks, si c'est un muslim et son fils matalan c'est un kafir, ou son frère, ou son père, et antat tu'azzi, lui c'est un muslim, il a un haq sur toi. Enfin, faut bien différencier les cas. قال أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مسلمون مصابون لهم حق وأما إن كانوا كفارا. Ça c'est le premier exemple qu'on a cité. On aurait dû le citer هنا. La personne que tu vas aller voir, avec qui tu vas parler, tu vas souhaiter les condoléances ou tu vas plutôt dire les condoléances à un kafir. Un kafir. Peut-être que celui qui l'a perdu c'est un kafir ou un musulman, son proche. À la coulée, lui c'est un kafir. قال شيخ ابن عثيمين واما ان كانوا كفارا فينظر في ذلك مصلحه نعم المصلحه نعم ما يبقى واضح قال وجلب الموده من هؤلاء الكفار بالمسلمين فلا باس سي المصلحه et peut-être que ça va ouvrir une porte pour que tu dialogues avec lui et il te respecte et ربما tu vas l'appeler à l'islam فهذا لا شك c'est quelque chose de tayyib. Amma, il n'y a aucune maslaha, mais peut-être que c'est un mal. Falimada. Limada, c'est pas le premier kafir qui a perdu quelqu'un. Et même s'il a perdu quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ha'oula. Enfin, on n'a pas leur donné de l'importance. Sauf ce cas que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, qu'on a expliqué kathiran. قال فلا بأس وإن لم يكن فائدة فلا فائدة. أما الكلام أهل العلم comme il est simple. Et c'est ça le nasiha les musulmans. Il n'a pas parlé de respect, de tolérance, de bon comportement. Si il y a une faïda pour notre dîn, on fait. Parler à un juif, parler à un chrétien, leur rendre visite, il a akhir, à ta'ziya, s'ils ont perdu quelqu'un, ou les féliciter pour une chose. Si il y a une faïda pour notre dîn, alhamdoulilah, s'il n'y a aucune faïda, bel ahyanan yan darar, il n'y a pas de faïda. L'imada, tu vas te faire du mal ou tu vas faire une chose, il n'y a pas de récompense. Ba'dhum, vous avez remarqué qu'ils appellent au bon comportement beaucoup qu'avec les kuffars. Avec leurs frères, le sunnah, talabat al-ilm, avec l'ulama, avec les gouverneurs, fa lamzun wa ramzun wa tahqir, khasatan avec les gouverneurs et les savants. Da'iman, ils ont des surnoms, rubama, ils les attaquent, da'iman des critiques. Quand c'est avec les kuffars, vous avez remarqué la tolérance, le respect, le bon comportement. Les ma'ada t'appellent pas au respect, au comportement avec ton gouverneur musulman, avec les savants de l'islam, avec tes frères, le sunnah. Ça montre un al-qalb quand il est marid, iyadam billah. Dans le cœur, tu ne peux pas rassembler l'amour d'un kafir et l'amour d'un croyant. Abadan. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. C'est pour ça que tu trouves ha'oula, qu'on a cité hier. Boussanna et Rachid al-Jay, Abu Hudayfa, Ismail, Munir et tout. Ha'oula, al-dullal al-munharifoun. Ils font un travail depuis des années sur le comportement. Khasatan avec les kuffars, il a arrêté. Leur cœur, il est devenu malade, iyadam billah. Tu ne les entendras jamais parler en bien de ulama al-sunnah, ou les gouverneurs, ou leurs frères al-sunnah. Même s'ils le font, c'est en général, tariqat al-bida', c'est pour quelque chose. Tu les trouves bourdes. Tariqat al-ikhwan, ma'rouf, contre les gouverneurs, contre les savants, contre al-sunnah. L'imad al-yana, quand le cœur, il devient malade, iyadam billah, c'est comme ça. Comme akhbar Allah azza wa jal, on a cité le verset. On passe au deuxième cas. On revient à kalam al-imam Ibn Qayyim rahimahullah. Bi sha'a'ir al-kufr al-mukhtassa bih. Ay, al-tahniya, le féliciter, le souhaiter bonne fête dans une chose, elle est khassa pour le kuffar. Amma avoir des enfants, ça arrive pour les musulmans et pour les kuffars. Père d'un proche, ça arrive aux croyants et ça arrive aux mécréants. Donc dans ce cas-là, on a vu, c'est permis sous certaines conditions. Amma une chose qui est khassa bil kuffar, comme Noël, comme Pâques, et d'autres fêtes, qala fa haramun bil ittifaq. C'est ce kalam qu'on avait lu fi radd ala Abd al Mun'im Boussanna. Haramun bil ittifaq. Et tata'ajjab anna ba'd az-za'irin, ils vont prendre le kalam d'un munharif d'aujourd'hui, que ce soit le Qardawi ou autre, min al-ikhwan al-muflisin, et ils vont dire en fait, il y a khilaf bayna ahl al-ilm. Le premier khatab, le premier égarement, ils ont khalif l'ijma. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a rapporté l'ijma. Ça veut dire quoi l'ijma? Ça veut dire que les savants à l'époque d'Ibn al-Qayyim et avant lui sont unanimes. Donc on n'a pas le droit de khalif. Amma wahid, il vient aujourd'hui et il cite la fatwa d'un égariste, thumma il te dit, il y a khilaf. Il n'y a pas khilaf. Il n'y a pas khilaf. L'anna contredire l'ijma, c'est de l'égarement. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui prend un autre chemin que celui du messager alayhi salatu wasalam et des croyants, le chemin du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam et des croyants jusqu'à l'époque d'Ibn al-Qayyim, si on prend cet exemple et on a la parole d'Ibn al-Qayyim, c'était l'ittifaq ala hadha. Celui qui vient et qui prend un autre chemin via al-bab, c'est de l'égarement. C'est pour ça que Boussanna, dans l'audio qu'on avait, le rod qu'on avait fait, il avait cité le kalam d'Ibn al-Qayyim. Il avait dit, il y a des savants qui disent comme Ibn al-Qayyim, et Atna alayhi, il a parlé lui en bien. Comment il a cité la Kenya, un autre avis, il a cité le fatwa, le comité européen de la fatwa, avec sous présidence de al-Qardawi al-Munharif. Hum, ils ont dit, c'est permis. Kayf hada, c'est de l'égarement. L'imada, il y en a contredire l'ijma', on n'a pas le droit. L'ijma', c'est une hujja, c'est un délit. Pourquoi l'ijma est forcément basé sur des textes comme يقول اهل العلم فتاملوا l'égarement. Donc ils essayent de dire انهم il y a divergence. Deuxième égarement, même si on dit il y a divergence, la divergence tu choisis pas ce que tu veux. Hum, quand il y a divergence, Bardenes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qui lui facilite le plus. Maintenant, il vit en France. Vu que la da'wa est fondée sur de l'argent, ils ont des gains énormes. Et ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ils ne veulent pas que les koufars se les mettent à dos. Obama, ils vont leur interdire de faire da'wa, ils vont les expulser. Ils vont prendre le soi-disant khilaf qu'il y a, ils vont prendre le qawl qui les arrange. Et il y a le hujja, il est au dalil. Al-ulama yaqouloun man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaq. Celui qui suit rukhas al-ulama. On ne parle pas de leur égarement al-an, ils ont contredit l'unanimité là, même si c'est le qawl d'un savant. Et wahad, à chaque fois, il prend une rukhsa. Maintenant, l'imam Ahmed, rahimahullah, il s'est trompé, il prend l'erreur. Il sait que c'est une erreur, lakin il l'apprend. Il l'apprend sous couvert de il y a divergence. Thumma une erreur de l'imam Malik, thumma une erreur de l'imam Nutaymi, une erreur de Cheikh l'Albani, une erreur de Cheikh Mukbil, une erreur de Cheikh Foulan. Ba'd al-ulama yaqulun tazandaq, il va perdre son din. Une erreur. Toutes les erreurs vont se rassembler en lui. Ma balouk, celui qui délaisse l'unanimité et prend qawl al-za'irin. Abdullal al-munharifin. Hada la shak, il est à la khatar. Qawl ibn al-Qayyim, il est clair, al-ittifaq. Al-Ittifaq, et celui qui veut Al-Mazid Al-Ala, il lit le livre de Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Iqtida Surat Mustaqim, il a cité beaucoup de choses. Sans compter ce qu'on a cité le dernier cours, la parole de Omar, radiyallahu anhu, et autres. Qala, فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ مِتْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ فَيَقُولْ عِيدٌ مُبَارَكْ عَلَيْكَ أَوْ تهني أو نعم أو تهني بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. Si celui qui il leur souhaite bonne fête pour leur mécréance, si il rentre pas dans le kufr, s'il sort pas de l'islam, fait il est tombé dans des grands péchés. Enduro ahlul ilm. Amma hum, l'an, ils font apparaître que c'est une divergence. Eux, ils vont te dire. Et Nahum, ils savent très bien, et ça montre leur égarement. Ils savent très bien que certains savants, ils rapportent l'ijma'. Certains savants, ils disent que c'est haram. Lakin, eux, ils vont te dire, c'est vrai, il y a des savants, ils disent ça. Lakin, faut pas être dur dans ce sujet, il y a divergence. Qu'un an, on parle d'une divergence dans certaines masa'il de fiqh. Al-a'immar talafou, al-amr wasi'. Tu mets les mains, on cite souvent cet exemple, tu mets les mains sur ta poitrine après le recours, ou tu les laisses le long du cœur. Al-amr, il est wasi'. Mais on n'a pas le droit de suivre les passions, même sur ce sujet. Fama baluk dans ce sujet très très grave qui est lié au tawhid. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, fahuwa min al-muharamat wa huwa bimanzilat at-tahniya bisujud ihi lis-salib. C'est comme si tu le souhaitais, tu le félicitais, annahu il se prosterne devant la croix. Sahih, li anna Noël, qu'est-ce qu'ils font? Noël, il y a des masa'ib. Il y a des masa'ib azima, et c'est une fête qui a été fondée sur ça, mais on n'a pas le droit, on doit s'écarter. Même si celui qui fête Noël, c'est un musulman. Mais ce musulman, il n'adore pas la croix, et ce n'est pas un chrétien, il fête Noël, je lui souhaite joyeux Noël. C'est haram. On revient au as. La fête, elle a été fondée sur cela, en fait, on n'a pas le droit. Qala, بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. C'est plus grave encore. Ça nous montre l'importance de donner de l'importance à l'aqida. Ha'oula, du'at al-dalal, ils appuient beaucoup, on a dit, sur le bon comportement, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas être injuste, il a akhiri, ça c'est haq. Lakin, l'aqida, ils appellent un égarement encore plus grave. Fali'ad ibn al-Qayyim rahimahullah, il a démontré un assez encore plus grave de souhaiter, de féliciter al-kafir pour une fête qui est liée à son kufr. C'est encore plus grave que si tu vois un musulman ou un kafir boire de l'alcool et tu le félicites. C'est moins grave que de le féliciter pour le kufr. L'imad al-yana, le kufr, c'est plus grave que les péchés. Adorer Isa ou prétendre que Isa c'est le fils d'Allah Azza wa Jal, c'est plus grave que de boire de l'alcool. Il n'y a aucune comparaison. Qala, wa qatl an-nafs, c'est plus grave que walaw de féliciter quelqu'un parce qu'il a fait un meurtre, c'est encore plus grave. Qala, وارتكاب الفرج الحرام أي الزنا ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. Tu as résumé de حال هؤلاء الزائرين. والله كثير من هؤلاء خاصة ceux qui sont à l'ilm, mais le jahil c'est un jahil. Lakin on parle un des du'at, أنهم tellement qu'ils se sont égarés. فالحقيقة ils donnent plus de l'importance au din. Ils donnent de l'importance à ce qu'ils veulent هم. Enfin, ils ont choisi certaines parties du din, le bon comportement, le droit du voisin, et ils vont prendre tous les versets sur être juste avec le kafir, ils vont donner de l'importance à ça et le reste là. C'est pas comme ça notre din. Inna din indallah al-islam. Tu dois donner de l'importance à ce que Allah il a donné. Aux choses que Allah il a donné que de l'importance. Aham shay at-tawhid. Et tu mets en garde contre le shirk. Est-ce que tu as déjà entendu Haoula mettre en garde contre le christianisme ou le judaïsme ou l'adoration des tombes ou la démocratie ou la laïcité? Abadan. Abadan, c'est garanti. Illa, on rajoute un Yesha Allah, il les guide. Et ils vont choisir ce qu'ils veulent, ils vont mettre en garde contre certains péchés. La fornication, zina, l'alcool, le meurtre, l'injustice, non. Ils vont appeler à certaines ibadat, la salat, faut faire siyam, faut faire le hajj. Bel, kathir minhum, ils ont pris certaines ibadat pour faire rentrer de l'argent, comme le hajj, etc. Amma, prendre le din complet, en commençant par les fondements, abadan, ça montre que c'est des égarés. Falihada qal ibn al-qayyim rahimahullah, wa kathir mimman la qadra li din indah yaqa fi dhalik. Aïe souhaiter, et encore plus grave, autoriser de souhaiter bonne fête à Haoula. قال ولا يدرك قبح ما فعل فمن هن عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. Celui qui félicite un homme ou une femme pour un péché ou pour une innovation ou encore plus grave pour le kufr, هذا كما قال ابن القيم تعرض لمقت الله. صحيح. Il s'expose à la colère d'Allah سبحانه وتعالى لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. Et Allah, il déteste le kufr. Comment tu vas souhaiter à quelqu'un une fête qui est liée à son kufr? Elle est où la faïda? Les kuffars, ils te détesteront tant que tu es un musulman, même si tu es égaré. Et on a déjà cité les exemples de certains de ces prêcheurs. Ils ont fait des concessions, ils ont fait des concessions, ils ont fait des concessions. Et yadam billah, ils sont toujours accusés. Les kuffars, ils les détestent. Ils ne les laisseront pas. Ils les laisseront pas. Tant qu'ils ne les laisseront pas complètement de dire. Alimad à faire des concessions. Et montre ton din. On n'a pas besoin d'eux. Pense à tes frères. Pourquoi il faut satisfaire les kuffars? Menhum. Là, satisfais Rabbak awwalan et fais tout pour aider tes frères. Et les kuffars, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il veut guider, les guidera avec toi ou sans toi. Lakin hawla iyadam billah. La da'wa c'est beaucoup sur leur propre personne. Qala wa qad kana ahlul wara' من أهل العلم يتجنبون تهنية الظلم بالولايات وتهنية الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. Ça c'est حال أهل العلم. أهل العلم ils souhaitaient pas même certaines choses de dunya à certains ignorants, ils leur souhaitaient pas, ils les félicitaient pas في هذا. مثلا نحن on peut prendre exemple un musulman qui a eu un diplôme ou qui a eu une place et on sait que cette place elle va le pousser dans le haram. Elle va le pousser dans la mixité, elle va le pousser à ne pas faire salat à l'heure. Imad, on va le souhaiter. On va le féliciter. Eh madame, si on peut le conseiller, si on ne peut pas, on fait dua pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Amma al-ba'd l'an wahad, il a eu le bac ou il a eu tel diplôme, il le félicite, qu'annahu il a fait je ne sais quoi. Félicite ton frère qui a appris le Coran par cœur. Félicite ton frère qui a fini tel livre. Amma, ces choses de dunya, tout ce système l'an, c'est une porte ouverte au haram. Ça ne veut pas dire que l'insan, il ne peut pas apprendre. Mais Bab Oula, il peut pas travailler là, qu'il est dans le halal. Et beaucoup de gens, ils se félicitent dans des choses qui poussent au haram. Fantabihu li hada. Intaha kalam ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala fandur ila hikayatihi al-ittifaq. Hada kalam, Sheikh Hamoud rahmatullah alayhi. Fandur ila hikayatihi al-ittifaq. Ta'ammalu ahlul ilm, comme ils donnent de l'importance à l'ittifaq. Sheikh Hamoud rahmatullah alayhi, min ulama al-islam, il est mort il y a quelques années, en 1413. On est en 1441, une trentaine d'années, ou bientôt 30 ans. Et après avoir cité Kalam ibn al-Qayyim, ta'ammalu, qala fanzur ila hikayatihi al-ittifaq. Il donne de l'importance à l'ijma. Amma al-akhar, il cite Kalam ibn al-Qayyim, thumma il invente une divergence et iyadam billah. Qala, على تحريم تهنية أعداء الله تعالى بأعيادهم الباطلة وانظر إلى ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا لتعرف غربة الدين والله المستعان. ابن القيم إلى ست الإجماع. Normalement, chaque musulman qui lit le kalam d'Ibn al-Qayyim ou tu l'enfant, il doit revenir et délaisser. Pourquoi il y a unanimité? Et tous ceux qui divergent l'un et qui ont cité un autre qawl, c'est de l'égarement. لماذا؟ لأن Et à ce compte-là, il n'y a plus d'unanimité. Les compagnons, ils étaient unanimes sur une chose. Wahid, il vient, il nous dit, mais Cheikh Antel, il a fait. C'est de l'égarement, hada. L'unanimité, on doit tous suivre. Et ça montre, fil haqiqa, ghurbatu ad-din, comme a qala Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi. Ibn al-Qayyim, il a, c'était l'unanimité. À leur époque, c'était quelque chose de clair. C'est pour ça que tu trouves kalam salaf fi hada, il était qalil. As-sahaba, radiyallahu anhum, ils ont peu de paroles sur ça. Les mahdal, il y en a à leur époque, personne souhaitait joyeuse fête pour les juifs ou les chrétiens pour leur fête par rapport à leur dîn. À notre époque, c'est devenu une fitna adhima, alors que, fil haqiqa, il y a ijma. Ça nous montre ghurbat ad-din. Si tu t'accroches à ce dîn, tu seras kharib. Faliyada, fais attention de ne pas vouloir satisfaire tout le monde. Avec ce système de réseau, les réseaux sociaux, il a arrêté. C'est tout fondé sur les abonnements. Les Foulen, il va te suivre. Certaines personnes, si tu dis pas ce qu'ils veulent, ils te suivent pas. Ils vont mettre en garde. La toubel. Bada'a hada ad-din ghariban wa sayoudu ghariban. Fatouba lil ghuraba. Hakada qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce dîn, il a commencé étranger, il finira étranger. Touba lil ghuraba. Aïe al-jannah. Al-jannah pour ceux qui patientent et qui sont. Ils sont rejetés par les autres. L'essentiel, c'est que tu es à la haqq. Hada kalam, il était munasib, leur fête, c'est bientôt. Inch'Allah, on essaiera de le propager. Hatta yastafid man arada al-ifada wa arada Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-khayr. Kam? Rubu' sa'a. Naam, la bas, on finit hada al-fasl. Qala faslun wa mimma warada annahi anha aydan مصاحبة أعداء الله تعالى ودعوتهم إلى طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني فائدة أبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني celui qui est connu c'est أبو داود السجستاني صاحب السنن. Quand tu entends Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, et c'est minal kutub al-sitta. Il s'appelle Abu Dawud al-Sijistani. L'autre, c'est Abu Dawud al-Tayalisi. C'est un imam, kadhalik. Et il a un livre, al-Musnad. Musnad Abi Dawud. Donc, c'est deux imams différents, et ba'dan nas, ils mélangent. Qal wa al-Tirmidhi wa al-Darimi, wa ibn Hibban wa al-Hakim, wa qala sahih al-Isnad, wa lam yukharrijah, wa wafaqahu al-Zahabi, fi talkhisih. Et, fi al-Hashiya, قال حسنه الشيخ الألباني رحمه الله هذا الفصل الشيخ حمود رحمه الله عليه لا سيتنا pour montrer plutôt un من الأسباب qui peuvent pousser le mu'min à prendre comme allié le kuffar, les aimer, les rapprocher, le fait de les prendre comme amis et de manger avec eux. Et la cité comme dalil قوله عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أي ne fréquente que un mu'min. Le fait de le prendre comme ami proche, il a akhir. Et la ya'kul ta'amak illa taqi. Et que ceux qui mangent chez toi de ton ta'am, et que tu n'invites que un taqi. Et un taqi, c'est celui qui a taqwa, et les hommes pieux. La shak anna al-kuffar, il ne rentre pas la fi qawlihi mu'minan ou la fi qawlihi taqi, alayhi salatu wassalam. قال الخطابي رحمه الله إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة. هذا سنقيد مهم أن النهي سفي الدعوة. Tu as deux genres de طعام. Tu as الدعوة, c'est toi qui vas inviter. مثلا tu sors l'un et tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu l'invites à manger. Invite qu'un taqi, invite qu'un mu'min. احذر من الكفر ومن الزائرين, ils peuvent te faire du mal à force de les fréquenter. Ou tu es chez toi et tu veux inviter quelqu'un. Invite des salihines. Les mâles, les noms, ils vont rentrer chez toi. Amma, faire rentrer chez toi des personnes qui ne sont pas de confiance. Min ahl al-kufra ou al-za'irin. Ou ba'd al-fussaq al-fajara. Enfin, c'est pas bon. Donc, tu as cette première catégorie. Tu as une deuxième catégorie, c'est ta'am al-haja. Il y a une haja. Matalan, tu vois un kafir qui a besoin, qui a faim. Ou un asi. Un munharif qui a faim. Ta viyad al-hal, si tu lui donnes à manger avec. Bien sûr, ça ouvre une porte pour da'wah, comme on a déjà cité auparavant, fa hada la shak, c'est permis. Donc, bien différencier les deux cas. قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ومعلوم أن أسراهم كانوا كفار غير مؤمنين. قوله ويطعمون الطعام, قول الله عز وجل يطعمون ويطعمون الطعام على حبه. الله سبحانه وتعالى il a cité trois catégories. مسكينا, Al-miskin, c'est connu, les pauvres. Wa yatiman, les orphelins. Wa asira. Qawluhu wa asira. Al-asir, c'est les captifs en temps de guerre. Fa la shak anna ha'oula, c'était des kuffars. Les musulmans, ils ne vont pas capturer des musulmans. C'était contre les kuffars, le jihad, à l'époque du prophète, a.s. Hada, ça montre anna ta'am, ça peut être les kafirs. كما قال الخطابي قال ومعلوم أن أسراهم كانوا كفار كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. C'est pour ça qu'il y a une différence entre مثلا un kafir qui a besoin de manger et tu lui donnes, ça va le toucher, et أنت si tu as du ilm et tu as les capacités, tu l'appelles à l'islam fi hadha al-hal et tu lui montres que ce que tu as fait c'est lillah, c'est parce que tu es un musulman. Là, chaque ça va être une da'wa azima. Amma inviter sans aucune raison, et si tu l'invites c'est que tu le connais, tu vas pas inviter n'importe qui, et ça va faire des liens, et quand vous allez manger vous allez parler, probablement vous allez rire, ça va tisser des liens, et elle est là la gravité. Un de tes frères musulmans, il va venir et va te dire c'est un kafir, faut le détester fillah, tu n'accepteras plus. فلهذا العلماء بعضهم في الحديث ils ont interdit هذا. قال يقال لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطعمه وتنادمه. نعم هذا لا شك فيه أن الإنسان يفعل attention à ses fréquentations. شيخ بن باز رحمه الله تعالى il a une fatwa, ils lui ont demandé est-ce que c'est permis de manger avec un kafir. قال ليس الأكل مع الكفار حرام إذا الحاجة إلى ذلك. نعم إيمان كامو فكان كلامه سيئن حاجة. قال أو لمصلحة شرعية. نعم لحاجة أو لمصلحة شرعية. سيئ أن بزوان سيئ أن بزوان tu vas manger avec ce kafir, إما toi tu as besoin, إما هو il a un besoin, أو une مصلحة شرعية. On a donné l'exemple pour faire الدعوة, فهذا c'est permis. قال لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤنسهم وتضحك معهم, ولكن إذا دعت الحاجة كأكل مع ضيف ليدعوهم إلى الله فهذا سيبرمي أو ليدعوهم إلى الله سيبرمي. إما أنا انفيتي سان كافر tu l'as invité, il y a une مصلحة شرعية مثلا ton voisin أو un membre de ta famille bien sûr, tout ça c'est permis. Et al-qasd, on n'oublie pas si c'est les proches. Enfin, les proches, ils ont un haq, même si c'est des koufars. Et si c'est pas un proche, on n'oublie pas al-qasd al-da'wa. Et à notre époque, ça s'est répandu hada kathiran, qu'un musulman mange avec al-kuffar. Bien sûr, fi bilad al-kufr, fi bilad muslimin, c'est qalil, à part certains endroits. Wa illa falhamdulillah, les musulmans, ils n'ont pas beaucoup de contact avec les koufars. Fi bilad al-kufr, c'est répandu kathiran, surtout dans le domaine du sport. Al-ikhwa yahdharoun min hada. Faire du sport avec un kafir, thumma l'inviter à manger, thumma des liens, kadalik à l'école, kadalik au travail, ça pousse à du char. Le muslim, la boudi est meyyez. Aslan, le muslim, il n'a pas le droit de vivre avec le kafir. Ça, c'est la base. Thumma, même s'il vit avec le kafir, la boudi min tamayyuz. Le ulama, on a déjà fait une kalima sur tamayyuz, le fait de s'écarter des innovateurs. Enfin, le ulama, ils insistent le fait de ne pas se mélanger avec certains muslimis, comme ceux qui font des péchés et qui ne veulent pas écouter le conseil, ou les innovateurs. Mais que dire des ennemis de l'islam ? Fala abud min tamayyuz. Khassatan les enfants. L'enfant qui mange à la cantine, comme on l'a cité dans le cours précédent, ou il y a quelques cours. Thumma le sport. Certains enfants, c'est comme ça. Toute la semaine à l'école. Et ils mangent tous les jours à la cantine, avec le kuffar. Thumma à l'école avec le kuffar. Thumma le week-end, le sport. Kadalik avec le kuffar. Thumma les goûter avec le kuffar. Et là, akhiri. L'adulte c'est très très grave pour lui, enfin que dire des enfants. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. Ne prends comme ami qu'un مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. Et qu'est-ce que les kuffars, c'est pas des personnes de confiance. Tout ce qu'ils appellent un halal إلى آخره, c'est pas des personnes de confiance. يكذبون يكذبون. Cette مسألة suffit qu'on s'écarte. Enfin, que dire avec tout ce qu'on vient de rajouter. قال الشيخ حمود رحمه الله وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل, وفي رواية لأحمد المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. ta'ammalu hadhihi al-adilla, pour montrer la gravité de prendre comme ami un kafir. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Man yukhalil, ay il prend qui comme ami? Limada li'anna al-mur 'ala din khalili, tu as la même religion que ton ami. Al-arwah junudun mujannada kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma ta'alafa minha si tu es d'accord avec lui, tu te rapprocheras. Si tu n'aimes pas sur quoi il est, tu t'écarteras. Il est fait comme ça, l'être humain. Enfin, celui qui prend comme ami les koufars, c'est très très grave. Ton ami, tu as le même dîme que lui. Comment prendre un ami, un juif ou un chrétien ou un kafir, un athée? Ça nous montre, l'insan, il fait attention. Ça, c'est wasiyatu. النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر أي fais attention. Ça montre هذا أن les amis tu dois les trier, tu dois filtrer. C'est pas le premier qui vient. Même من المسلمين fais attention à أهل البدع. Et on verra des chapitres le fait de s'écarter des innovateurs. Fais attention كذلك الفساق الفجار, ne pas les fréquenter. Les contacts qu'on a avec eux, c'est باب النصيحة, leur montrer إلى آخر. أما ça devient un ami et tu sors, tu rentres, tu manges, tu voyages avec lui, هذا c'est خطير. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح إن شاء الله تعالى ووافقه الذهبي في تلخيصه وصححه أيضا النووي. نعم الحديث اللي في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله لا شك في ثبوته, الحديث إلى صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شر الأشرار وأن يهدي إخواننا المسلمين. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.